Yo e Alize. Alize, oula. Yo e Alize. Moi la bossé, viré. Yo e Alize. Yo e Alize. Yo e Alize. Yo e Alize. Yo e Alize. Yo e Alize. Alize yo tutu, Alize yo mama, yangana yo eme, jemwe se pou. Kana yo. Si ou pas connaître, qui moun qui ka chante pour vous? Alize yo doudou, Alize yo mama, yangana yo aime, j'ai moi c'est pour vous. Alize moi aime ou, papa dit Alize. Alize yo doudou, Alize yo mama, yangana yo aime, j'ai moi c'est pour vous. Chanter, danser, pas la peine de réfléchir comme ça. Alize yo doudou, Alize yo mama, yangana yo aime, j'ai moi c'est pour vous. Viré, Alize, moi préparé de sans vous. Alize yo toutou, Alize yo mama, yo e Alize. Où te ti bwe, yo e Alize. Mou ka pale pou tou, yo e Alize. Tout sa tou fè, yo e Alize. Mou pe pa oublié, yo e Alize. Tourne, viré, yo e Alize. Alize, moi aime ou. Alize, gana yo. Yo e Alize. Alize, ki te we parle. Yo e Alize. Alize, suela suela. Yo e Alize. Alize, toi et moi. Yo e Alize. Alize, Alize. Yo e Alize. Tiens-moi, tiens-moi, tiens-moi. Dodo, fini. Dodo. Toi là, moi je connais toi. Toi venir, c'est pas ma faute, tu as dansé. Tu es parti à Ségou, tu as là. Tu as pris beaucoup d'argent. Mais toi, moi je connais toi, toi. Tu manges du cola, tu manges foufou, tu manges tout. Tu manges partout, partout, hein. Même une femme, toi tu manges. Oh, c'est bizarre. Thank you. Mama